Willem, je tourne en rond sur France Bleu. Dans deux minutes, c'est le retour de vos informations au plus proche de chez vous. France Bleu craque pour Étienne Dao et Vanessa Paradis. Il est la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Puis au matin, mettre les voiles. Étienne Dao et Vanessa Paradis, tirez la nuit sur les étoiles, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. France Bleu Drôme-Ardèche. Encore un week-end qui s'annonce chaud, très chaud sur les grands axes de Drôme-Ardèche. Autoroute du Soleil, A49 entre Grenoble et Valence, la mythique Nationale 7, laissez-vous guider par France Bleu Drôme-Ardèche sur la route des vacances. Vendredi, on fait la route avec vous à partir de 16h. Bonjour, c'est Franck Domas. Cette année, pour le Valence en Gastronomie Festival, la chef partie laisse la place à la famille partie. Deux équipes, deux familles, une famille drômoise, une famille ardéchoise, encadrées chacune par un chef, vont cuisiner un menu plat et dessert à partir de produits de saison. Si vous souhaitez participer à la sélection, composez vite votre équipe de 4 personnes avec au moins un enfant et adressez-moi votre candidature en mentionnant les plats que vous aimez préparer à Bleu Drôme Ardèche. @radiofrance.com ou par message privé sur la page Facebook France Bleu Drôme Ardèche. Vous avez jusqu'au 20 août minuit. La famille partie samedi 9 septembre de 10h à 13h en direct du Champ de Mars à Valence, un événement France Bleu Drôme Ardèche. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Drôme Ardèche. Belle fin de journée sur France Bleu Drôme Ardèche. Il est 18h. Nathalie de Kayser. Ils veulent nourrir la population, pas les loups. Les agriculteurs drômois souhaitent peser dans le prochain plan loup en cours d'élaboration pour 2024-2029. La FDSEA, les jeunes agriculteurs ou encore les bergers du Vercors, dans une lettre adressée aux parlementaires, ils demandent tous un changement de politique, à commencer par un meilleur décompte du nombre de loups. Le président des jeunes agriculteurs de la Drôme, Yvan Jarnias. Même l'OFB nous annonce 31 meutes, ce qui ferait au moins plus de 200 loups dans la Drôme. Et on a un chiffre national qui ressort à 900 loups, ce qui peut pas du tout être logique. On voit nettement que c'est faux. Donc voilà, c'est refaire cette estimation du loup, et histoire que ça marche. Et derrière, on pourra adapter les moyens de protection, c'est-à-dire d'avoir un droit de tir pour tout éleveur qui a eu une attaque et que tout le monde ait le droit de se défendre contre le loup et de pas rester à 3 attaques avant que les lieutenants de louveterie puissent intervenir. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Le nouveau plan loup, on est tous d'accord, quoi. Je veux dire, tout éleveur est dans la même position. Donc on espère toujours que ça va changer, parce que sinon, les éleveurs vont arrêter leur métier. On peut pas continuer comme ça. Yvan Jargnas, le président des jeunes agriculteurs de la Drôme. En Alsace, la triste confirmation cet après-midi, 11 personnes sont mortes dans l'incendie d'un gîte près de Colmar. Il accueillait un groupe de 28 personnes handicapées ainsi que leurs accompagnateurs. On ignore l'origine exacte du feu, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il couvait bien avant que les flammes ne soient visibles à 6h30 du matin. La première ministre Elisabeth Borne et la ministre des Solidarités se sont rendues sur place cet après-midi. Le président de la République adresse ses pensées aux victimes et à leurs proches. Toutes les précisions sont sur francebleu.fr. Deux blessés dans l'usine Framatome de Romont qui fabrique du combustible pour les centrales nucléaires. Un peu avant 16h tout à l'heure, les deux hommes ont reçu une forte décharge électrique de 400 volts dans une zone de travaux où se trouve un tableau électrique. Le premier, âgé de 40 ans, est gravement brûlé au bras et au visage. Il a été héliporté au service des grands brûlés de Lyon. Le second, 53 ans, est blessé plus légèrement et transporté à l'hôpital de Romont. Le fonctionnement du site nucléaire n'est pas impacté par cet accident. Une femme de 36 ans a fait une mauvaise chute en début d'après-midi à Borne, dans le sud Ardèche, près de la Croix de Boson. La trentenaire est sortie en canyoning. Elle s'est mal réceptionnée dans l'eau, dans un endroit escarpé. Elle présentait une forte douleur au dos. Elle a été héliportée à l'hôpital d'Aubenas. C'est parti pour les vendanges dans l'extrême sud Drôme, enfin presque, parce que c'est à partir de demain. On sera le 10 août, 5 jours plus tard que l'an dernier, donc. Il a fait moins chaud. Et c'est la cave de Jalès et Cruzières qui récolte ses chardonnays pour les bases de vin mousseux. Une dizaine d'hectares vont être coupés à partir de demain. Pour le gros de la récolte, il va falloir attendre le 25 août. Et puis, il y a un milliardaire de plus dans le monde aujourd'hui, grâce au hasard d'une loterie aux États-Unis, un heureux gagnant qui a remporté plus d'1,5 milliard de dollars. Ça fait 1,44 milliard en euros. Son billet gagnant lui a seulement coûté 2 dollars et il avait une chance sur plus de 300 millions d'empocher ce jackpot. À 18h03, on retrouve Arthur Desplantes. Et un point sur vos conditions de circulation en région Rhône-Alpes avec pas mal de monde le long du lac d'Annecy. Entre Sevrier et Annecy, ça coince aussi du côté de Sillé et de Évian. Pas mal de monde aussi en station. Chamonix, Sallanches, Megève, le Grand Bornand. Attendez-vous à quelques coups de frein. Et en direction de Thônes, entre Alex et Thônes, là aussi. Un quart d'heure en plus sur votre temps de parcours habituel. Le long du lac du Bourget, il peut y avoir aussi quelques ralentissements. L'agglomération grenobloise, tout est au vert pour nous. Et puis du côté de la vallée du Rhône aussi, ça circule bien, à part un petit bouchon dans le centre de Tournon et de Tain-l'Hermitage. Si vous êtes témoin d'un incident, vous nous appelez au 0806 00 10 10. Côté météo, c'est un large soleil, quelques nuages en montagne qui sont simplement là pour le décor, et puis les températures bien chaudes. 28 à 29 pour Annecy, Moutier, La Tour du Pin, Saint-Marcelin, 30 degrés pour Chambéry, Grenoble, Montélimar, 31 à 32 pour Valence, Nyon, Sannonay, Privas et Rochemort. Demain, encore pas mal de soleil et des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, avec une averse qui ne sera pas exclu en fin de journée. Le 16-19, France Bleu, Arthur Desplantes. Allez, ce soir, on fait pas les timides et on s'envoie en l'air. On est en plein été, il fait chaud, alors forcément, on va faire du parapente. Quoi ? Qui a dit ouf ? Pourquoi vous avez dit ouf ? Si, on est avec un pro du parapente, on a le terrain idéal en Rhône-Alpes, alors on va s'envoyer en l'air. Les rouages et les coulisses de la discipline vous sont expliqués dans un instant, juste après Tasmin Archer, Sleeping Satellite sur France Bleu, dans toute la région Rhône-Alpes. Très bel été. The rain.